mission face aux fossiles. Cible, cible, cible facile. Missile, sol, sol. Missile, Air Max sol. En deux-deux, c'est plié. Je repars en virée à la plage avec mon parasol. Insolent de tempérament, face à l'insolite, je crépite. Ça donne pas d'insolation, mais fait monter ma température. Contre les raclures sans vergogne, vive la magie d'envergure. Cabaret chamanique, contre les cabotins de la botanique. Quand les valets rongent l'as de pique, va éviter place au mystique. Lobby comme éthique, je rappe à travers des micros en plastique. Pour te désarçonner, mieux qu'à la gymnastique. La sourde oreille face à des histoires absurdes. C'est pas vivre dans l'illusion, mais provoquer des dissolutions. Plus puissante qu'Alain Juppé, y'a plus de quartier huppé. Tout doit partir en fumée, qu'on lise dans les signaux de fumée. Fumer ou être fumé, si t'es d'humeur, ma saveur vient la humer. Plutôt de faire des UV, promis, je serai compréhensible. Je vais articuler, je me suis calmé. Je ne passe plus tout mon temps à gesticuler. Je tiens la corde jamais usée, j'ai appris à devenir rusé. Je n'ai pas peur de la curer, j'implante la magie dans la durée. Tu peux pas lutter, cherche pas à faire venir un serrurier. Cherche pas à faire venir, un serrurier. Cabaret chamanique, contre les cabotins de la botanique. Quand les balais rongent l'as de pique, va et victix, place au mystique. Lobby comme éthique, je rappe à travers des micros en plastique. Pour te désarçonner, mieux qu'à la gymnastique.